الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، aujourd'hui on va rentrer dans un sous-chapitre de ce septième chapitre qui est الشمائل والدلائل والخصائص. Il concerne les caractéristiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son descriptif et ce qui s'ensuit. On avait déjà pris des hadiths qui concernent son apparence, ses attributs physiques, ses attraits physiques. On a pris des hadiths en rentrant dans dans les choses qui étaient propres à lui, comme les miracles qui l'ont été accomplis et certaines spécificités en tant que messager prophète par lequel il a été privilégié par rapport aux autres prophètes. Et là, ça va être min khasa'is hadhihi al-umma. Maintenant, ce sont les particularités, certaines particularités, car elles sont nombreuses, de cette communauté en soi. À savoir que cette communauté est la sienne. Donc, ça rentre dans ce qui est relatif au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, on va prendre des hadiths et on va finir ce chapitre avec, en deux derches, inshallah. Des choses qui sont propres à la Umma islamia. طيب. قال في الحديث السادس وثلاثين بعد المئة. 136e hadith, qui est le 16e de ce chapitre. Il يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرة محجلين من آثار الوضوء متفق عليه. Il a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, plutôt Abu Huraira, d'y avoir entendu le Nabi alayhi salatu wa sallam dire que ma communauté sera conviée, c'est-à-dire convoquée, sera appelée yom al-qiyama avec les membres des ablutions resplendissants, lumineux, d'une lumière blanche. Et cela par les traces des ablutions. Donc là, lorsqu'il dit « Inna ummati » ma communauté, à savoir que la communauté du Nabi sallallahu alayhi wa sallam se divise en deux. « Umma al-ijaba » wa « Umma al-da'wa ». On a la communauté de l'appel et la communauté qui a répondu favorablement à cet appel. Donc, les communautés d'appel, ce sont tous les hommes et tous les djinns, tous les mukallafoun depuis son envoi. Ça, c'est sa communauté. Ceux à qui il a été envoyé, quand on a tout par rapport au Nabi, à tout le monde, contrairement aux autres prophètes qui, eux, ont chacun le peuple. D'accord? Donc, la Umma de Muhammad, c'est humain et tous les djinns sont venus. Et cette da'wa, ça, c'est la Umma de l'appel. Les gens qui doivent être à l'âme. Et Ummat al-Ijab, c'est la Umma qui a répondu favorablement à l'appel, ça c'est le musulman. Et on parle de cette Umma-là. Ummat al-Ijab, ceux qui ont répondu à l'appel. Comme le prouve le hadith par rapport aux ablutions. Car ça, il n'y a que les musulmans qui font les ablutions. Donc, le Qiyam, ils seront appelés. Et Rurra, à la base, Rurra, c'est le pluriel de Arar. Et à la base, Arar, c'est cette tache blanche que vous pouvez trouver sur la face des veaux. Les chevaux, ils ont de couleur brune, un peu marron, et ils ont sur une tache blanche. Les chevaux. Et là, c'est justement cette lueur blanche, cette tache blanche qu'il y a sur leur visage. Un mot qui est employé pour dire que la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam viendront avec une chose qui est similaire, sauf qu'elle sera lumineuse, comme une lueur, comme une lumière, et non pas une tache. Et cela va faire illuminer toutes les parties du corps qui sont en contact avec l'eau, entre autres le visage, la tête, les mains, les avant-bras et les pieds. D'accord? Donc, toutes ces parties-là, Yumlaqiyama, ça c'est parmi les Khasa'is min hadhihi al-Ummah, ils vont venir avec cette lueur blanche au niveau des organes des membres de l'Oudou. Et dans la fin du hadith, il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, an yutil arrata falyaf'al. Lui qui peut augmenter et augmenter cette lueur alors qu'il le fasse. C'est-à-dire, ne pas se limiter à toujours clairement partie limite des ablutions, sans en faire trop non plus. Par exemple, on sait que se laver les avant-bras, c'est juste beaucoup. Donc tu peux rajouter un petit peu de celui du coude, sans pour autant arriver aux biceps, aux épaules. Par exemple, au niveau des pieds, ce sont les chevilles. Donc pas de mal à monter un petit peu au-dessus des chevilles. Et ainsi de suite, de ne pas lésiner. Sans non plus arriver jusqu'au mollet ou jusqu'au genou. Ce n'est pas le là. Le but, c'est pour que tu aies plus de lumière, alors pas de mal à dépasser légèrement la limite. D'accord? La limite des ablutions. Légèrement. Donc, on prend les fawaïd du hadith. Il قول إثبات البعث يوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء. Donc, cela également affirme ce jour de la résurrection, ce qu'on y trouvera comme rétribution et comme remise des comptes. ثانيا فضيلة أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأنهم يأتون يوم القيامة تملع وجوههم وأيديهم وأرجلهم وتتلألأ بياضا ونورا من آثار الوضوء. Ça montre la valeur de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'à Yom al-Qiyama, ils viendront avec les visages resplendissants, lumineux, ainsi que leurs mains avant-bras, et ainsi que leurs pieds, d'une blancheur lumineuse, sur qui sera l'aboutissement justement de ces actions. Thalithan, ان الغرة والتعجيل خاص بهذه الأمة. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام سيما ليست لأحد من الأمم. Donc justement, cette tache, on va dire plutôt cette lueur blanche, cela est spécifique à cette communauté. Car dans un hadith, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que cette particularité est une chose qui est propre à cette communauté dont les autres seront dépourvus. Seule sa communauté aura cette caractéristique. Rabi'an, an hadha an-nur wal-qiyad yakhtassu bi a'dha al-wudu al-wajh wal-yadayn wal-rijlayn. Donc cette lueur blanche sera seulement au niveau des membres des ablutions. Le visage, les mains et avant-bras, ainsi que les pieds. خامسا فضيلة الوضوء حيث كان ثوابه العظيم ظاهرا يوم القيامة تشهر به هذه الأمة. Et ça montre également le mérite des ablutions. Du fait que parmi la grande récompense à en tirer, en apparaît يوم القيامة, sera les choses par lesquelles se démarqueront, cette lueur par lesquelles se démarquera cette communauté. Les musulmans se démarqueront par cette lueur entre les autres communautés. سادسا فضيلة الصلاة لأن هذا الفضل في شرط من شروطها فكيف بها وفي هذا الحديث الصلاة نور رواه مسلم أي نور له في قلبه وقبره ويوم القيامة. Donc cela montre également le grand mérite de la salat, car justement cette bonne rétribution des ablutions, les ablutions ne sont qu'une condition de la salat, comme vous le savez. Comme condition pour la salat, il faut être en état de purification. Donc, on fait le wudu. Et ce wudu est une charte de la salat. Regardez la récompense qu'il y a pour le charte, la condition. Alors, qu'en est-il de la salat en elle-même? Et il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au salat nour, que la salat est une lumière. C'est une lumière, il dit l'auteur, dans le cœur, une lumière dans la tombe et une lumière, il me l'a qu'il y a. Et ce hadith également, on peut le prendre parmi les preuves. Parmi les preuves de... parmi les preuves de l'obligation de la salat. Car celui qui ne fait pas la salat, à plus forte raison, ne fera pas les ablutions. Et s'il ne fait pas les ablutions, bah, il n'aura pas cette lueur. Comprenez? Donc, ça veut dire que on peut en déduire indirectement que celui qui n'aura pas cette lueur n'est pas de cette communauté Yom Kiyama. Donc, ce hadith est parmi les preuves indirectes qui montrent que celui qui ne fait pas la salat, c'est pas un musulman, qu'il ne sera pas, qu'il sera méconnaissable par rapport aux autres musulmans. Il ne sera pas avec eux, avec cette lueur. Non. Soumakol. Un instant. ثم قال الحديث السابع والثلاثون بعد المئة 137 حديث qui est le 17e de ce فصل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي نوح وأمته فيقول الله تعالى هل بلغت فيقول نعم أي ربي فيقول لأمته هل بلغكم هل بلغ فيقول لأمته هل بلغكم فيقول لا ما جاءنا من نبي فيقول لنوح فيقول لنوح من يشهد لك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فنشهد أنه قد بلغ وقوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس والوسط العدل رواه البخاري. Donc, selon Abu Sa'id al-Khudri, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que Nuh viendra avec sa communauté, c'est-à-dire après la mort. Il viendra. Et il lui sera dit, ô Nuh, est-ce que tu as retransmis le message? Il dira, oui, ô mon Seigneur. Il sera dit à sa communauté, est-ce qu'il vous a retransmis le message? Là, ils diront, qu'aucun prophète ne nous est parvenu. On te dira à Nuh, qui témoigne pour toi que tu l'auras retransmis? Et Nuh dira, Mohammed ainsi que sa communauté. Et nous, on va attester que Nuh a bien transmis le message à sa communauté. Et c'est cela qui est le tafsir du verset où Allah dit dans le sens, et de cette manière, nous avons fait de vous une communauté juste milieu, afin que vous soyez témoins pour les gens ou contre les gens. Surat al-Baqarah, verset 143. Et le juste milieu, c'est la justice, une communauté qui est juste, adl. Donc tout cela sont des faits qui auront lieu yom al-qiyama. Donc on ne peut pas faire de qiyas avec ce qui se passe dans cette dunya, bien évidemment. D'accord? Ne pas essayer de mettre une réflexion rationnelle pour comprendre. Les choses après la mort ne sont pas comparables à ce qui se passe en ce bas monde. Et cela se déroulera, et le hadith, il est apporté par le Bukhari, l'authentique. Donc, Nuh va venir avec sa umma, à savoir que très peu de gens ont suivi Nuh, alayhi salatu wassalam. D'accord? Comme vous le savez, et que Nuh a invoqué contre son peuple pour la méchanceté dont il faisait preuve, leur mécréance, et seuls l'ont suivi quelques membres de sa famille. D'ailleurs, même un de ses fils n'a pas voulu le suivre, et il est mort noyé lors du déluge. Et certaines personnes, très peu de personnes, ont suivi Nuh, alayhi salam. Il a réuni également de chaque animal un couple qui, ensuite, ont été réunis sur Safinat Nuh, ce qu'on appelle l'Arche de Nuh, c'est-à-dire cette histoire-là est même présente dans les kutub des gens du livre. Donc l'histoire, on y croit, elle est authentique. Et que de là, un déluge en est venu qui a anéanti toute forme de vie sur Terre, animale ou humaine. Et n'ont survécu qu'une infime partie de personnes et des animaux, qui par la suite ont permis à ce que l'être humain se reprocrère à nouveau. D'où le fait qu'on dit que Nour, alayhi salatu wa salam, est le deuxième père de cette umma. Le premier père de cette umma, c'est Adam, alayhi salam. Et le deuxième père de cette umma, c'est Nour. Donc de là, Yom al-Qiyam, Allah Azzawajal va interroger Nour. Mais Allah Azzawajal sait très bien ce qui s'est passé. Mais il fait cela pourquoi? Afin que l'argument soit donné à la communauté de Nour pour leur dire, vous avez eu le message et vous n'avez pas répondu. C'est tout. Et regardez, subhanallah, du Hud, al-Kufr, les gens du Kufr, jusque là, ils vont être dans le déni et dans la mauvaise foi de dire que Nour n'est pas venu. Dans le sens, aucun prophète n'est venu nous voir. Et les gens du faux, ils sont tout le temps comme ça. Même l'être humain est tout le temps comme ça, dans le déni. Dès que tu mets les gens face à des réalités qui les dérangent, ils ne veulent pas admettre. Et mentent, ou détournent, ou trichent lors de leur échange. Ils ne veulent pas admettre. Dès que tu verras un échange entre deux personnes, un qui appelle une vérité et l'autre qui veut montrer un autre visage, tu le verras être dans le déni, faire preuve de mauvaise foi. D'accord? Dans tous les débats que tu peux amener, vous verrez cela. Il y a même des gens, vous savez, il y a des mouvements dont j'ai eu connaissance dernièrement, qui appellent à des choses qui sont en relation avec la fitra, la nature saine, des choses qui sont innées en l'être humain. Que ce soit par rapport à la nature de la femme, par rapport à la nature de l'homme, par rapport aux bonnes mœurs dans la société. Et tout ce qu'ils disent, subhanallah, ces kuffars, coordonne avec le message de l'islam. Ça veut dire qu'en réalité, la solution à un problème, c'est l'islam. D'accord? Mais à chaque fois, ils en viennent à dire, ça veut dire, ils admettent la chose, et il y en a toujours un qui va dire, oui, mais c'est pas pour autant que on va faire telle et telle chose, et ici des choses qui sont liées à l'islam. Par exemple, vous allez voir des gens qui combattent, mathalan, ce mouvement du féminisme. Mathalan. Et qui veulent montrer que ce féminisme est un poison et qui n'est pas un problème, ce n'est pas une solution pour résoudre des problèmes de société et par rapport aux problèmes que les femmes peuvent subir. Ce n'est pas dans le féminisme que trouveront leur solution. Et ils veulent, ces gens-là, ramener les choses à leur place et faire comprendre que oui, l'homme a une place que la femme ne pourra pas prendre. Tout comme la femme a une place que l'homme ne pourra pas prendre, ainsi de suite. Et que, à la base, c'est un travail d'équipe. On est là pour se compléter et non pas pour rivaliser. Cependant, chacun doit mettre sa place et ses capacités, ses facultés. D'accord? Et donc, eux, ils prônent pour le fait que, à la base, le fait de travailler, de ramener le pourvoyeur, on va dire, c'est le rôle de l'homme. Et que le rôle social et éducatif, c'est celui de la femme. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, ils en viennent au fait que la femme, on ne doit pas l'encourager à se faire exploiter par ce système, capitaliste qui ne veut que se remplir les poches en mettant le plus de monde sur le marché du travail, dont la femme, qui est une plus grande consommatrice. Et également, ils savent que la femme, elle est faible, elle est facilement manipulable par les hommes, ce qui s'ensuit. Donc, ils disent, il faut la préserver. Et ainsi de suite. Et quand tu écoutes le discours, tu dis, c'est vraiment, c'est à ça qu'on appelle en islam. Mais quand c'est nous qui le disons, c'est de la misogynie ou c'est du masculinisme ou c'est du patriarcat ou je ne sais quoi. Alors qu'à la base, non, c'est la nature humaine. Et à la fin, ils disent quoi? Donc, la femme, il faut la préserver ainsi de suite. Mais par contre, faut pas la mettre en burqa, gaza, gaza. C'est-à-dire, il faut faire comprendre, non, mais on veut pas l'islam. Ça veut dire, on veut, mais on veut pas. Tu vois. À chaque fois, ils sortent une petite phrase comme ça pour dire, en fait, c'est comme s'ils se mettaient en question. Mais en fait, ce qu'on dit là, c'est l'islam qui appelle à ça. Mais on veut pas l'islam. Tu vois. On veut pas être cinq fois à se prosterner à la mosquée. On veut pas se priver d'alcool. On veut pas se priver de porc. On veut pas ceci. Mais le fond de ce qu'ils appellent, c'est des choses que l'islam vient pour, justement, préserver. Donc, ils sont dans le déni. Parce que tu as envie de leur dire, tout ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Mais c'est quoi le bout de ta pensée? Cette femme, comment est-ce qu'il faut justement la préserver? Et là, il va dire oui, mais non. Oui, ceci, cela, mais non. Je veux pas qu'elle mette de voile, je veux pas que ceci, je veux pas cela, je veux pas qu'elle soit, ainsi de suite. On dit la femme que tu décris, là, dans les mœurs que tu as, c'est la femme de l'islam. Sauf que nous, on va plus loin que ça, c'est qu'on sait le mal qu'il y a dans l'homme et le fait de mélanger les hommes et les femmes, on connaît le mal de l'homme, le regard qu'il a sur la femme, donc pour la protéger elle et même pour te protéger l'homme de son propre mal, Allah Azzawajal veut qu'elle soit couverte. Comme une chose qui a de la valeur, une chose qui a de la valeur doit être préservée. Les choses que tu possèdes qui sont précieuses, tu les caches, tu les préserves. Et regardez bien, ce mode de vie, justement, est une solution à beaucoup de problèmes, même à ce côté superficiel qu'il y a entre nous. croyez-moi bien que si, maintenant ceci-là, on sait que Allah il a Qadr, c'est pas ça qui va se passer. Mais regardez bien. Pourquoi il y a autant de problèmes, même dans les couples en islam, à cause de ce regard, à cause de tout ce que l'on voit tous les jours dans la rue et partout. Alors que si en réalité ces choses étaient appliquées, que la femme était couverte correctement, qu'elle ne sortait que pour des besoins, les hommes et les femmes n'étaient pas mélangés et que même les hommes s'habillaient correctement également, qu'il n'y aurait pas toutes ces photos, toutes ces images, toutes ces publicités, et ainsi de suite, tu verrais que les gens seraient sur une nature saine et seraient beaucoup moins superficiels et difficiles. Ça veut dire que comme tu ne vois pas la femme des autres, tu n'as pas devant toi un modèle de beauté qui fasse que si ta femme ne ressemble pas à ça, tu n'en veux pas, alors que tu as des femmes qui pourraient te plaire énormément ou par rapport au sort des hommes qui pourraient leur plaire, mais on leur a mis devant eux des modèles. Donc, lorsqu'il faut une ritba pour se marier, si ça ne ressemble pas à ce cliché qu'on leur a mis, ben non, c'est pas bon. Alors qu'en réalité, un homme moins beau que celui que tu vois sur les réseaux peut tout à fait te plaire. Et une femme moins belle que celle que tu vois, tout va, pourrait très bien te plaire. Mais on t'a formaté. Donc, résultat, même lorsqu'il y a une ritba, c'est compliqué, même lorsqu'il y a un mariage, ça devient compliqué. La femme, elle a grossi, le mari, elle a grossi, la femme, elle a ceci, l'homme, il a cela. Que des. C'est des chichis, excusez-moi le terme, c'est des chichis. Car en réalité, si on ne voyait pas ce qu'il y avait chez les autres, on se contenterait, l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que c'est un homme qui voit une femme dans la rue qui pourrait lui plaire, il rentre chez lui, qu'il aille voir sa femme, il a des rapports avec elle, car cette femme qu'il a vue, elle a la même chose que sa femme elle a. Mais c'est Shaitan qui l'embellit. Mais en réalité, ce que ces autres femmes que tu vois qui pourraient que tu convoites, Allah Azzawajal te l'a donné à travers ta femme, tu l'as. Mais comme on dit l'expression, on croit que l'herbe est meilleure chez les autres, plus verte que chez les autres, alors que non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, tant pour les hommes que pour les femmes. Vous savez, quand on met trop de choix devant les yeux, les gens deviennent compliqués. C'est simple, quelqu'un, tu l'amènes quelque part, il dit j'ai faim, tu lui mets un plat devant lui, il va manger. Et si au début il n'aime pas, tu le ramènes, il va s'y habituer. Mais quelqu'un, tu lui ramènes quatre plats tous les jours, à chaque repas des plats différents, il va commencer à chipoter. Non, je veux pas ci, non, je veux pas ça. Parce qu'il a trop de choix, donc il est perdu. Mais en réalité, tu lui mets une chose devant lui qui lui suffit, correct, il s'y fait. L'être humain, il s'y fait. Mais on est une génération d'insistés et de pourris gâtés. Et surtout de cœurs corrompus. C'est une réalité. Et à la base, le remède de nos problèmes, c'est appliquer un islam authentique. Avec la croyance authentique, le tawhid et la sunna, avec la compréhension des salafs salih. Mais quand on appelle les gens à cela, ils ne veulent pas car ils sont le déni. Et ils pensent que c'est un extrême. Ce n'est pas un extrême. C'est ça justement le juste milieu. Donc, c'est de cette façon que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Cette communauté, c'est les gens de la sunna. Les gens de la sunna. Les sunnati wal jama'a. Ce sont eux qui sont concernés par ce verset principalement. Donc, vous voyez, le peuple de Nour sera dans le déni. Ils ne voudront pas admettre qu'un messager leur est venu. Alors que Nour est venu et les a prêchés pendant 950 ans. Alors qu'il est resté en leur sein pendant 950 ans à les appeler au tawhid. Et ils vont quand même dire, on n'a reçu aucun messager. Alors que lorsqu'il était vivant, ils l'ont insulté, ils l'ont menacé, ainsi de suite. Et l'être humain, il est comme ça. Dans le déni de mauvaise foi, hypocrite, il n'est pas sincère. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que notre communauté sera une communauté du juste milieu. Et une communauté qui sera un témoin pour ou contre les communautés précédentes. Parce que dans notre livre, Allah Azzawajal nous a cité tout ce qu'on devait savoir. Pour dire, regardez bien que dans l'Injil ou la Torah, dans ce qu'on appelle la Bible actuellement, on parle de Nour, Noé et son arche. Et pourtant, qui va venir pour pouvoir témoigner pour lui? Ça va pas être les chrétiens. Ça va pas être les yahouds qui sont venus après. Ça va être les muslimouns. C'est eux qui vont venir témoigner. Car le adl est présent en eux. Chez les communautés antérieures, également, il y a eu du adl. Les vrais croyants des communautés, il y avait du adl en eux. Mais, Ardel el-Umam, la plus juste des communautés, c'est la nôtre. Et qui est la plus nombreuse. Et qui ont le livre qui est resté authentique, qui est le Coran. Donc voilà pourquoi Allah Azawajal nous fera témoigner, ainsi que Mohammed, pour dire si Nuh il est venu, il a appelé son peuple. Il y a Yaqul Fawaid al-Hadith. أن الله تعالى يقيم الحجة يوم القيامة. Que Allah va établir l'argument يوم القيامة. C'est-à-dire les gens, dans chaque chose qu'ils vont faire. Là, aujourd'hui, là, comme je dis tout à l'heure, on débat, on fait de la falsafa, on parlote pour essayer d'éviter la vérité. يوم القيامة, tu ne pourras rien éviter. Devant Allah, il va te mettre les faits devant toi. Quand tes membres vont témoigner contre toi. Combien de gens aujourd'hui se vont passer pour des gens bien alors qu'ils sont parmi les pires des créatures? Comme tout à l'heure, je vous parlais par exemple des débats par rapport à l'interaction qu'il y a entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, tout le monde veut faire passer pour l'homme fidèle, l'homme royal, l'homme loyal, l'homme bien. Non, non. L'homme, on le connaît. Et la femme, pareil. La femme bien, la femme de valeur. Non, non, la femme, on la connaît. Et là, je parle de l'être humain dans sa généralité. On se connaît, donc arrêtez de vous faire passer pour des gens bien. Surtout dans les débats en public, devant tout le monde, devant les caméras. Dans la vie privée, quand vous êtes seul, vous n'êtes pas comme ça. Vous savez très bien ce que vous faites. Quand je dis vous, c'est pas vous les auditeurs, hein, c'est vous les hommes. Vous ne vous sentez pas visé quand je vous parle à vous. Et l'être humain n'aime pas admettre sa réalité et sa nature. D'accord? Quand tu vois des hommes qui disent oui, il n'y a pas de mal à regarder une femme, c'est une belle chose, sans pour avoir des envies. Tu es un menteur. Tu la regardes et tu as des envies. Juste ce qui t'empêche d'agir, c'est le fait que tu sois en public, ou peut-être que cette femme va te refuser, ainsi de suite. Sans quoi, en réalité, si elle venait vers toi, t'accepterais, tu dirais oui. Donc arrête de faire l'homme qui se tient et l'homme fidèle, ce n'est pas vrai. Vous êtes des menteurs. La chose qui préserve dans les couples principalement aujourd'hui, c'est la taqwa. C'est le fait de craindre Allah Azzawajal, ce qui empêche que les gens ils dérapent. Et ça, on le trouve que chez les musulmans. C'est la crainte d'Allah. Sinon, la plupart des gens qui n'agissent pas dans le mal, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas faire du mal, c'est qu'ils ne peuvent pas se permettre de le faire par peur d'être dévoilé ou parce que l'occasion n'est pas venue. Il a bien dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi les sept personnes qui sont sous l'ombre d'Allah yom la qiyama, il y a un homme qui sera convoité par une femme belle, de haut rang, et elle va se proposer à lui et dira, inni akhaf Allah, j'ai peur d'Allah. Qu'est-ce qui va le retenir de passer à l'acte? De dire j'ai peur d'Allah. Quelles sont parmi les caractéristiques de Yusuf alayhi salatu wa salam, que son histoire a été racontée dans le Coran? C'est qu'il a été lui-même éprouvé par cela, la femme de son maître, une belle femme puissante qui a été sa maîtresse, et malgré cela, elle a préféré aller en prison. Pourquoi? Par peur d'Allah azawajal. Sans quoi, une personne qui ne craint pas Allah, le jour où elle peut faire une chose, elle va le faire, voler, escroquer, mentir, même violer pour un homme. Même des femmes pourraient le faire, seulement elles n'ont pas la force physique, sinon elles le feraient. T'as des femmes, elles disent oui, on est faible, si on leur donne la force physique, elles pourraient peut-être même aller violer des hommes. Croyez pas que c'est extrapolé, c'est une réalité. Cependant, elle n'en a pas la force physique. Donc voilà pourquoi la pauvre, c'est elle qui subit la force des hommes. Ont donné la suprématie aux femmes et la force, vous verrez ce qu'elles pourraient faire comme mal. Vous savez, le problème qu'il y a chez l'homme, c'est la suprématie. Dans tous les domaines. Je le parle souvent. D'accord? C'est la suprématie. Les gens, tu vois qui ils sont quand ils ont la force. Quand ils ont les moyens d'agir, c'est là que tu vois qui t'as à faire. Par exemple, une chose que je dis souvent, moi en tant que noir, que je répète aux gens, souvent le peuple noir cite l'histoire de l'esclavage qui est la traite des noirs. On dit d'accord. Mais ne croyez pas que l'homme noir est meilleur que l'homme blanc par rapport à ça. C'est juste que l'homme blanc a eu le pouvoir à ce moment-là. Sans quoi, si l'homme noir avait eu le pouvoir sur un temps, et ça c'est arrivé, qu'il aurait rendu une autre partie de l'humanité en esclavage. L'homme, l'être humain qui domine, a toujours fait cela et le fera encore. D'accord? Il le fera encore. Demain, un peuple qui en domine un autre va l'assouvir à l'esclavage. Et pour preuve, les gens qui ont vendu des noirs aux blancs, c'était des noirs. Les blancs sont pas arrivés comme ça en Afrique, ils sont rentrés dans les tribus, dans la brousse et je ne sais où, dans la savane pour répondre. Non, ce sont des noirs qui connaissaient les lieux, qui leur ont livré des noirs pour en échange de biens mondains. C'est tout. C'est une histoire de suprématie. Celui qui a le pouvoir et la force, celui qui va faire assouvir ce pouvoir, c'est lui qui verra qui il est réellement. C'est pour ça que les pays les plus puissants sont les plus injustes qu'il y a alors qu'il est. Comme l'Amérique, comme la Chine qui va le devenir. Vous allez voir qui ils sont quand ils auront le pouvoir. Ils vont se permettre de faire des choses. C'est une histoire de suprématie et non pas de race en soi. D'ailleurs, souvent, je vous le répète, la faïda, les Noirs aiment se vanter d'être les ancêtres des pharaons. Et il n'y a même pas de quoi être vanté car les pharaons, c'était des mouchidécones, parmi les plus grands mouchidécones qui soient. Et ces pharaons avaient des esclaves qui étaient les Bani Israël. Donc même les Noirs, si vraiment étaient les ancêtres de pharaons, les Noirs eux-mêmes ont assouvi des gens à l'esclavage. Donc faut arrêter le cinéma de les Blancs sont méchants, les Noirs sont gentils. C'est une histoire humaine. Celui qui a la suprématie, qui a la force, tu verras qui il est. Qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit un asiatique, qu'il soit un arabe, qu'il soit ce que tu veux. D'ailleurs, même les arabes ont fait l'esclavage des noirs. Mais ça, c'est pas lié à l'islam. Ça, c'était eux qui ont des écarts. Ne pas lier l'islam au côté mauvais de l'être humain. Faut lui dire que c'est une chose qui est humaine. Quand l'être humain, il a le pouvoir, voilà. C'est pour ça que la chose qui contient la personne, c'est la taqwa. Quand tu as le pouvoir, c'est la taqwa qui va te retenir. Quand tu as la capacité de faire une chose, un mal, c'est lorsque tu sais qu'Allah te regarde. C'est ça qui va t'arrêter. Sans quoi, les gens se lâchent. D'accord? Donc, ce bon côté de l'être humain, tu ne vas le voir que avec la foi et la taqwa. D'accord? Qu'avec la foi et la taqwa. Et celui qui n'y arrive pas et qui ne le fait pas, ce n'est pas forcément qu'il n'aime pas, c'est qu'il ne peut pas ou qu'il n'ose pas, mais ne pas dire que ce n'est pas dans sa tête, qu'il n'y pense pas. Ah non, on n'y croira pas à ça. Et là, on parle de valable homme comme femme. Taï. Thumma naqul thaniyan fadilat hadhihi al-umma wa annaha tashhadu lil-anbiya' yawm al-qiyamah wa annahum qad ballaghu risalat Allah wa nasahu liqawamihim. Donc on voit le mérite de cette communauté qui vont attester, témoigner pour les prophètes, yawm al-qiyamah, que ces prophètes ont tous retransmis le message d'Allah azawajal et qu'ils ont conseillé leur communauté, leur peuple. Salisan anna shahadat hadhihi al-umma ma kunya akhir al-umam bima anzala Allah fi kitabihi min akhbar al-anbiya ma umamihim. Et que on voit que le témoignage de cette communauté est le plus grand des témoignages, malgré que cette communauté soit la dernière venue. Et justement, ce sont les derniers qui sont le plus à même de témoigner de ce qu'ont fait les premiers. D'accord? Car il n'y aura pas de nouveaux prophètes, il n'y aura pas de nouveaux faits par la suite sans que l'islam ne les sue. Et les grands faits des communautés précédentes, dans l'islam, on les a connus. Ce qu'il y a à savoir, on le sait. Rabi'an, adalat hadil umma lianna shart kaboul shahada al-adala. Et ça montre justement la justice de cette communauté, car parmi les conditions pour qu'un témoignage soit accepté, c'est la adala. C'est-à-dire la adala, c'est une personne qui est juste, qui n'est pas entachée par des accusations ou des suspicions. Donc, et cela a été attribué à cette communauté. Al-wasat, c'est la adl. La communauté de l'islam, c'est une communauté de adl. On parle de communauté, pas forcément des individus, attention. La communauté, et non pas chaque individu. Car parmi nous, il y a des parmi les gens qui sont des menteurs, des tricheurs, des trompeurs, des escrocs, des arnaqueurs, il y en a plein. D'accord? Là, on parle dans l'essence de cette umma, dans son excellence. Khamisan, an al-murad bil-wasf al-maskur al-sunnah wal-jama'a wa hum al-ilm al-shari'i liyanna al-jahl wal-bida' laysu 'udulan. Et ce qui est voulu par, justement, cet attribut cité-là, ce sont les gens de la sunna ou al-jama'a et les gens de ilm, les savants de la sunna entre autres. Car les gens de l'ignorance et les gens de la bid'a ne sont pas des gens justes. Et sont là, souvent qu'on les appelle d'ailleurs les gens des passions. Ce ne sont pas des gens qui sont justes. Donc ce n'est pas tout musulman qui rentre dans ce wasf, mais l'excellence de cette umma qui sont les gens de la sunna. Et même parmi les gens de la sunna, il y a une essence encore plus excellente. Il y a parmi les gens de la sunna, tu peux trouver certains qui mentent, certains qui trompent. D'accord? Mais l'excellence qui s'y trouve, dans son ensemble, il n'y a pas. Sadisan, anna ijma' al-ummati hujjatun liyannahum adalu biqawlihi ta'ala wa ja'alnakum ummatan wasata ay 'udulan wa muqtada dhalika annahum 'usimu min al-khata' fima ajma'u 'alayhi qawlan wa fi'lan. Et ça montre également que l'unanimité de cette communauté, c'est un argument, c'est une preuve. Car Allah a fait de cette umma une umma de justice. Et d'ailleurs, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tashtamia hadil umma ala khata, que cette communauté ne va jamais s'unir sur une erreur. Ça veut dire que tu ne verras jamais tous les musulmans d'accord sur une chose qui est fausse. Ce n'est pas possible. On pourra s'unir sur une chose qui est vraie. D'ailleurs, ce qu'on appelle un ijma, un consensus, une unanimité. Mais par contre, tu ne verras, et donc, lorsque la Ummah est d'accord sur une chose, c'est une chose qui est indiscutable. Par contre, il est impossible qu'on dise tous une erreur. Non, des gens peuvent dire des erreurs, même une majorité pourra dire l'erreur, mais que tous les musulmans disent l'erreur, ce n'est pas possible. Donc, le fait que le consensus, et entre autres, c'est celui des savants, d'accord, c'est un argument indiscutable. Non. Ça y est. Voilà ce qu'on a pris aujourd'hui comme ders. Je voulais prendre le troisième hadith, mais bon. Hadha fihi kifaya, bifadlillahi ta'ala. Et le prochain ders sera يوم الجمعة إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته